était un vidangeur marin, fier de se lever chaque matin pour vider les poubelles du coin et ainsi garder l'environnement sain. Tralala super nerd. Mais un jour va changer l'histoire. Supernet fut pris de désespoir quand il s'aperçut que le dépotoir débordait de déchets et de choses bizarres. Supernet à la rescousse de la planète. Supernet à la rescousse de la planète. Une idée lui traversa l'esprit. Supernet rassemble à ses amis pour l'aider à donner seconde vie à la tonne d'ordures cramoisie. Tralala Supernet. En quelques pas de gymnastique et plusieurs coups de baleine magique, papier, conserve, verre et plastique furent transformés en un objet magnifique. Supernet à la rescousse de la planète. Supernet à la rescousse de la planète. Vidangeurs sans exception furent mis à la poubelle. Tiens donc, tiens donc. Oh non, mais non, au recyclage voyant, ils furent recyclés en recycleur marin. Bon, tralala Supernet. L'ancien dépotoir rempli d'ordures devint un parc de villégiature.